ça me fout la déprime en fait, le quand même, sans déconner. Imagine un mec, tu vois, on part sur le ciel, tu vas me dire si c'est bon, j'ai joué un ré et après je déplace mon doigt du ré, c'est ça? Ça je sais pas ce que c'est comme accord, mais ça va être bon ça. Ça je pars à 1 pour voir. Je pars à 1. Et là je place un doigt, c'est ça? Et après j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est bon celui-là? Ça fait comme un, toujours un D, enfin un Ré, mais bizarre. Enfin... je sais pas ce que c'est. Ils étaient deux d'accord comme ça. D'accord majeur. Quand tu joues en Ré lydien, en fait, c'est un Ré septième majeur. La gamme que je joue là-dessus, c'est la gamme de La majeur. Mais tu joues en Ré. Et si tu veux faire des solos dessus, c'est, tu joues sur la gamme de La majeur. Donc La majeur, c'est Fa dièse mineur en relatif, mais donc mais là on joue en Ré. Ouais, ça fait un bourdon en Ré en permanence, et la quinte diminuée justement fait que ça influence qu'on est sur le mode de La majeur en tonique. Ouais, c'est de la théorie, mais bon. Oui, mais ça fait toujours un peu. C'est toujours impressionnant. C'est ça. Voilà, c'est toujours impressionnant. Il faudrait que tu t'en sortes à l'oreille. C'est important, c'est d'avoir l'oreille. Heureusement que j'ai l'oreille. Mais par contre, les modes majeurs, attends, c'est pas déprimant. Hein. Oh, c'est un peu tristouné, ouais. Je trouve. Et toi, tu joues sur un La, la gamme de La. Après. Pourquoi? C'est ça, c'est le mode qu'utilise Satriani tout le temps. Ah, si Satriani et Steve A, ils aiment bien jouer sur ces modes parce que. La, la gamme de La majeur, mais sans, sans partir du La, en partant du Ré. Tu peux me la faire, la gamme, vite fait? Ouais, c'est le mode lydien, ça s'appelle comme ça. Donc, si t'es en La majeur, ton lydien, c'est la, la carte. Donc, ton La, donc c'est un Ré. Ouais. Je te fais La majeur et après je te fais le Ré lydien. C'est okay. Les mêmes notes que les notes de La majeur, sauf que je démarre en Ré. Ok. Compris, sauf que ma guitare est hyper désaccordée. C'est une guitare désaccordée. Non, tu commences en réalité. Putain, comment se désaccorde ma gratte. Tu vois ta gamme de La majeure, tu essaies de la visualiser sur ton manche, ta gamme de La majeure, mais au lieu de partir en La, si tu fais La, Si, Do, Ré, bah, tu démarres de Ré. Ok, ouais. Tu fais Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Tu fais une gamme de Ré, mais c'est le mode lydien. Parce que le, ça fait une quinte diminuée. J'ai capté. Si tu écris la, la gamme de La majeure, c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, dièse, Sol, La. Et bah tu pars du Ré. Tu fais Ré, Mi, Fa, dièse, Sol, La, Si, Do, Ré. Et puis voilà. Donc, tu, c'est pour ça qu'on dit que c'est le mode lydien, parce que tu utilises la couleur lydienne. En partant du Ré, en utilisant les codes de la majeure et les notes de la majeure. Et dans la gamme de la majeure, bon, t'as la majeure qui est majeure, t'as Ré qui est majeur, mais c'est un septième de dominante, et tu après tu as le mi 7, mi septième mineur, mi septième mineur qui va être le mode mixolydien. C'est pour ça que tu joues que des accords majeurs, que des accords majeurs, et puis ça sonne Satriani, ça sonne Steve Vai, parce que tout le monde a entendu ça, mais c'est le mode lydien quoi, ou le mode mixo qu'on fait derrière. Et pour jouer en majeur, on joue pas en mineur, sinon en mineur on va pleurer. Eh bien, je découvre le mode lydien, c'est ça. Ça sonne bien à l'oreille. Une fois qu'on est dedans, ça sonne bien. Si t'as, si t'as un gratteux qui vient avec sa pentatonique, il est complètement largué là. Parce que si tu fais sonner une couleur, tu donnes une couleur quand tu joues, et il faut que tout le monde joue dans cette couleur quoi. J'ai presque compris. C'est un septième majeur, parce que c'est un do dièse. C'est pas un septième mineur. Ça serait un do, ça serait un septième mineur. Donc là, c'est un do dièse, ré. Do dièse, ré. C'est un septième majeur, le accord. Les accords, tu fais chanter la couleur. Bah maintenant que tu vois en partant de ré ce que ça donne, oui. Joue la gamme de la majeure. Je te fais le même accompagnement, tu vois, ça va marcher. Si c'est toujours en la majeure, ça va marcher. La mineure, ou alors tu fais ton fa dièse mineur ou ta pentatonique de fa dièse mineur, ça va marcher, tu vois, ça va être étonnant. De la sorcellerie, c'est mathématique. Hein. T'as jamais travaillé sur les modes? Non. Moi, je fais que ça. Donc. En fait, moi, je suis un gros feignant. J'ai toujours travaillé à l'oreille. Tu fais un bourdon et tu joues dans une autre tonalité. Hein. Et normalement, tu devrais prendre plaisir à jouer dessus parce que dès que t'as trouvé l'astuce, oui, il faut travailler à l'oreille. Mais par contre, ton oreille, tu l'exerces toujours avec des pentatoniques. Et la pentatonique, il faut l'oublier un peu, il n'y a que 5 notes. Ouais. Il y a d'autres couleurs qui sont très jolies. Hein. C'est le truc que je connaissais au clavier, j'arrive à faire des gammes arabes à l'oreille. Moi j'adore. Deep Purple, ils utilisent le lydien aussi, ils utilisent le phrygien, ils utilisent le mix lydien. Ouais, bah c'est des gammes harmoniques. Donc, moi j'utilise beaucoup les gammes harmoniques, mais bon, pour le faire, il faut que la grille d'accompagnement d'accord le permette. Je vais remettre la boucle et tu vas voir maintenant avec les quelques notes que tu as, tu joues en La majeur ou tu joues en Ré lydien et tu vas voir que là tu es capable de faire des petits chorus. Ok. Mm-hmm. Alors là, là je vais jouer en La majeur. Je vais faire que du La majeur, ça va te donner une couleur. Attends, je vais jouer en D lydien. Et maintenant, je vais passer en Fa dièse mineur. Et Fa dièse mineur, je vais faire la pentatonique. Tu vas voir comment ça sonne. Normalement, ça sonne, mais tu vas trouver ça foireux. Voilà, c'est la pentatonique de Fa dièse mineur. Donc c'est la gamme relative de La majeur. C'est pas compliqué la musique. Par contre la pentatonique n'a pas tellement de possibilités d'expression de jeu. Hein. C'est son blues. Là pour jouer sur des trucs qui sont majeurs, tu joues en mode mineur, c'est pas terrible. Et c'est pas faux. Elle n'utilise pas le mode lydien. Elle était barrée, Benji. Thank you. C'est dur la guitare. Ah putain, ça me fait plaisir de ce que j'entends là. Maintenant Benji 63 joue en mode lydien. Enfin, ça sonne différent. Ça sonne différent. Attends, putain, avec l'oreille que t'as, tu chantes, t'as l'oreille, tu travailles un peu de théorie, et je veux dire, t'es bon, hein. Moi, je sais pas chanter. Par contre, je sais bien jouer. Moi, je chante comme une gamelle, mais par contre, j'ai l'oreille. Donc tu as 7 notes dans la gamme, hein, Benji. Donc tu as 7 modes. Là tu viens d'en apprendre un. Mais pour donner une couleur, moi j'aime bien la couleur lydien. Après tu as la couleur mixolydienne. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le phrygien. Et quand tu commences à jouer en phrygien, alors là les... Et les bluesman là, ils sont pas à l'aise. Les trucs que tu dis que ça sonne arabe là, un peu là. T'as le phrygien et t'as le phrygien dominant. T'as deux modes. T'as deux modes. Et moi j'aime bien parce que ça change. Thank you. j'ai écouté un concert de Satriani qui est sur YouTube, qui est juste en ce moment, il y a un concert de Satriani sur YouTube. Hein. Du coup, je vais le re-regarder avec ce que tu m'as dit. Oui, bon, moi j'aime pas trop Satriani, mais par contre, j'aime bien quand il joue dans ce mode parce que c'est son style. Son style, la guitare, la première personne, c'est parce qu'il joue toujours en Ligue 1, il joue souvent en Ligue 1 sans foirer. C'est le son style, quoi. Moi je préfère Malmsteen, hein, t'as dû comprendre, moi c'est Malmsteen. Hein. Ah oui, c'est pas le même. D'ailleurs, je vais vous jouer Cantabile. En ce moment, je suis en train de travailler ce petit morceau de Cantabile de Vivaldi, là. C'est joli comme tout ce truc. Je reviens. Je vais écouter un truc. Il y a un petit canard. Ta batterie si tu t'en vas.